On l'a appelé l'affaire Alexis. Un fait divers terrifiant, un sextuple assassinat dans une villa de Louvciennes, banlieue parisienne paisible s'il en est. Un massacre quasi familial puisque quatre des victimes sont parentes. Mais c'est surtout le personnage du principal suspect qui provoque un choc. Un adolescent aux joues rondes, un gamin trop sérieux qui affirme avoir tué avec le plus grand sang-froid son père, sa belle-mère, les pères et mères de cette dernière et un couple d'amis qui séjournaient dans la maison. Avec le plus grand sang-froid, oui. Sur les 16 coups de feu tirés, une seule munition n'a pas atteint sa cible. L'adolescent Alexis avoue presque d'emblée être le sextuple meurtrier. L'affaire est donc entendue. La suite appartient aux experts et aux autres psychiatres qui devront essayer de comprendre et peut-être même expliquer cette folie meurtrière. Oui, mais voilà, l'adolescent ne tarde pas à se rétracter et ce théâtre d'ombre s'écroule. Apparaît alors un fond de décor qui n'est pas moins terrifiant. Des hommes en noir cagoulés qui menacent avant de disparaître dans la nuit à bord d'une puissante voiture sombre. Et un spectre qui surgit, celui de la mafia russe qui, en ces années 1990, élimine sans pitié tous ceux qui s'opposent à sa mainmise sur l'économie d'un empire à l'agonie. Alors, qu'en est-il réellement? Plus d'une décennie après cette tragédie, et alors que l'adolescent condamné par la justice a depuis longtemps recouvré la liberté, le mystère demeure. Monsieur X peut-il en percer le secret? Его с нетерпением ждем, и латинские ритмы пульсируют в нас. Дайте бананов, марихуаны, солнце дайте. А дайте бананов, марихуаны, солнце дайте. Пульсируют в нас. Voyez-vous, ce qui m'a toujours étonné dans cette étrange affaire, c'est la volonté des magistrats français qui ont eu à en connaître de refuser de voir plus loin que le strict examen des faits. Ouais. Donc le sextuple assassinat, c'est et ça. Et encore ouais. Peut-on regretter que certaines investigations techniques n'aient pas été poursuivies. Des expertises, vous voulez dire. Ouais, ça, on en reparlera. Mmh. Mais c'est surtout l'obstination de la justice à ne pas vouloir prendre en compte le contexte russe qui m'a rendu perplexe. Quoi ? Un certain manque de curiosité ? Pour le moins, oui. Car si magistrats et enquêteurs ne croyaient pas à la responsabilité de la mafia russe dans l'affaire Alexis, pourquoi la juge d'instruction a-t-elle demandé à bénéficier d'une protection rapprochée ? Elle craignait jouer. Et pourquoi, lors de la reconstitution, a-t-on affublé le jeune homme d'un gilet pare-balles ? Que craignait-on ? Il n'est jusqu'au très curieux verdict prononcé par les jurés de la cour d'assises pour mineurs pour semer des doutes. Parce que Alexis a été condamné. À 8 ans de détention pour un sextuple assassinat assorti d'un parricide. C'est bien peu. Et vous pensez alors que les jurés n'ont pas été totalement convaincus de la culpabilité d'Alexis? Ça me paraît évident. Ouais. Et ce verdict mi-chèvre, mi-chou a abouti à la remise en liberté du jeune homme dès l'an 2000, 5 ans seulement après les faits. Ouais. La libération donc d'un redoutable meurtrier, si l'on accorde foi à la version de l'accusation. Alors tout ça me paraît bizarre, d'autant qu'il aurait aussi fallu s'intéresser à d'autres faits qui se sont produits à l'Est. Par exemple, le meurtre de l'oncle d'Alexis, une année et demie après le massacre de Louvsienne. Un oncle qui avait décidé d'enquêter sur la mort de son frère. Oui, son frère, le père d'Alexis. Et qui voulait faire la lumière sur les affaires particulièrement embrouillées de ce dernier. Mais apparemment, alors, les magistrats français n'ont pas pris en compte cet événement. Alors, si vous le voulez bien, reprenons dès le début. Le 26 février 1995, vers 3h du matin, le jeune Alexis, 16 ans, téléphone au commissariat de Louvsienne, affolé. L'adolescent déclare « Ils ont tué toute ma famille ». Il, ILS, au pluriel. C'est sa première réaction. La police se déplace donc aussitôt et découvre un vrai carnage. 6 cadavres gisent dans cette maison située près de la forêt de Marly. Mais il y a une survivante, une petite fille de 2 ans, Natacha, la demi-sœur d'Alexis. Recouverte d'une couverture, elle dort dans sa chambre à l'étage. Tranquillement. Et les victimes, alors ? Passons d'abord le père d'Alexis, Evgeny Polevoy, et sa seconde épouse, Lunmila. Les parents de cette dernière ont également été abattus. Et on trouve aussi un couple d'amis, les Viatchaf. Tous russes, donc. En effet. Ce qui frappe les policiers, c'est que les meurtres ont été perpétrés rapidement et sur un mode quasi professionnel. Une seule balle perdue, et pour chaque victime, un coup de grâce tiré dans la tempe ou la nuque. Autre constatation étonnante. Les victimes ne semblent pas avoir eu le temps de se défendre. Oui, ça veut dire que tout s'est passé très très vite. Manifestement, oui. Et quelles sont alors les explications données ce soir-là par Alexis ? Elles sont d'emblée assez peu claires. Certes, comme dans son coup de fil au commissariat, l'adolescent parle de mystérieux tueur. Mais il finit assez rapidement par avouer qu'il est l'assassin. Et avant d'expliquer en détail comment il a procédé, il affirme qu'il a voulu se venger de son père. Un homme violent, souvent très alcoolisé, qui, la veille, lui a flanqué une correction et lui a interdit de continuer à voir Lana, sa petite amie. Oui, ça se tient, mais pourquoi avoir tué les autres ? Sa belle-mère ? Parce qu'il n'a jamais accepté le remariage de son père. Quant aux autres, c'était des témoins qu'il fallait faire taire. Et la petite demi-sœur épargnée hein ? Alexis déclare qu'il l'aime beaucoup. Et sur les faits eux-mêmes, alors, que dit-il ? Voilà l'explication qu'il donne. Tandis que les 6 adultes de la maisonnée sont en train de prendre une tisane dans le salon. Une tisane ? Ouais. Le jeune homme se glisse dans le bureau de son père et s'empare de 3 armes. Un fusil d'assaut, Kalachnikov. Une carabine 22 longs rifs munie d'un silencieux et un pistolet de même calibre équipé également de silencieux. Parenthèse, on s'apercevra que dans cette maison, il y avait des armes partout. Puis Alexis sort et tire sur son père à travers la porte-fenêtre du salon. C'est quand même étrange, là. Pourquoi tirer de dehors ? Sans doute pour faire croire à une agression extérieure. Ensuite, le garçon revient dans la maison, tire à nouveau sur son père qui se dirigeait vers son bureau pour aller chercher une arme. Il abat enfin sa belle-mère et les 2 amis. Puis il monte à l'étage où les parents de Lunmila se sont réfugiés. Il brise la porte, tue le grand-père et redescend avec son épouse qui l'entraîne dans le garage. Quelle est son intention alors ? Il tourne un instant autour de la voiture de Lunmila, remonte dans le salon. Et toujours avec la grand-mère là ? Oui. Et là, il la tue à son tour. Fouille dans la poche de pantalon de son père d'où il extrait une liasse de billets. Et il quitte la maison en volant de l'auto de Lunmila, direction la capitale. Combien de temps s'est écoulé là depuis le début de la tuerie ? 15 minutes selon Alexis, mais je poursuis. Attends, il s'agit toujours des aveux du garçon. Oui, tout à fait. À Paris, le garçon aile une prostituée qui l'emmène dans un hôtel. Il boit aussi plusieurs verres et retourne à Louvsienne. Ouais, dans la maison du carnage. Et toujours, pour accréditer la version de l'agression extérieure, il casse la porte-fenêtre. Puis il appelle le commissariat. Pardonnez-moi, mais le récit me paraît particulièrement échevelée, non ? Oui, je suis d'accord. Cependant, en plus de ces aveux, il y a des constatations matérielles accablantes. Les analyses mettent en évidence la présence de poudre sur ses mains, et on trouve aussi ces empreintes digitales sur les trois armes qui ont été utilisées. Ainsi donc, malgré quelques incohérences dans le scénario de la tuerie, la culpabilité du jeune homme paraît établie. L'enquête est donc rapidement bouclée. Et à l'issue de sa garde à vue, Alexis est placé en détention provisoire. Alors, avant de voir la suite, il me faut vous donner quelques éléments d'information sur cet adolescent et sa famille. Alexis, d'abord. Arrivé en France avec son père et la deuxième épouse de celui-ci, quand il avait 12 ans, il a été vite placé dans un internat cossu. Un collège privé. Oui. Ouais. Et sa mère biologique Raïssa, c'est son prénom, l'a laissé partir de Russie en pensant qu'à l'Ouest, il recevrait une meilleure éducation. Il faut rappeler quand même qu'au moment où Alexis quitte la Russie, l'URSS vit alors des années très très difficiles. La politique de Gorbatchev échoue, le pays se paupérise. Et bientôt, sous les coups de boutoir de Boris Yeltsin, l'empire va éclater. Donc Raïssa, enfin, malgré, j'imagine, le chagrin qu'elle doit éprouver, a pris une décision courageuse. C'est certain, elle a d'abord pensé à l'avenir de son fils. Mais vous m'avez parlé donc d'un père violent et alcoolique. C'est juste. Toutefois, un père qu'Alexis voit peu, puisqu'il est pensionnaire toute la semaine. En outre, Evgeny Polevoy, s'il pique souvent de fortes colères contre son fils, peut aussi se conduire comme un père aimant et même parfois un peu trop laxiste. Il accorde, par exemple, 10 000 francs d'argent de poche à Alexis et il lui loue un studio. Oui, effectivement, laxiste. C'est peut-être une façon de se rattraper, non ? C'est certain. Et pour se rapprocher de son fils, il lui a appris le maniement des armes dans le stand qu'il a aménagé au sous-sol de sa villa. Il lui a aussi payé une prostituée chargée de le déniaiser, comme on disait autrefois. Pas très sain tout ça, non ? Bah encore une fois, là, je suis d'accord. Et dans ces conditions, il est remarquable que l'adolescent soit un bon élève de première scientifique. Et diront les psychiatres qui l'examineront, un garçon très intelligent, au comportement parfaitement normal. En tout cas, enfin, après tout ce que vous m'avez dit, là, on peut en conclure que Polevoy n'avait pas de problème de fin de mois. C'est exact. Le couple Polevoy vivait dans l'opulence et ne se refusait pas grand-chose. Alors, l'origine de cette aisance Là, c'est moins clair. Il nous faut rentrer dans un monde peu ragoûtant, mais très dangereux. Rendez-vous avec X. Après la condamnation d'Alexis à 8 années de prison, la journaliste Catherine Herrel, par ailleurs auteure d'un livre sur cette affaire dont nous reparlerons, écrit le commentaire suivant dans Libération. Un tel verdict de compromis a pour effet, pour but, de priver Alexis de tout recours pour faire reconnaître son innocence. Après avoir passé 3 ans en prison, va-t-il prendre le risque de contester sa condamnation, de se pourvoir en cassation, de s'engager dans un nouveau procès d'assises, alors qu'il peut espérer une libération conditionnelle à relativement brève échéance ? Le bon sens lui conseillera de ne pas bouger, d'endosser sa condamnation pour parricide, un sextuple assassinat, et de dire merci de ne pas en avoir rajouté. Un compromis qui le réduit au silence. Sa condamnation l'enferme dans le double étau d'une culpabilité officielle et de la quasi-impossibilité de la contester. Il a 20 ans. Envie de sortir de prison, la vie l'emportera sans doute. Sur le thème du « je veux sortir », il endossera ses 6 morts au bénéfice du doute à vie. La machine judiciaire aura une fois de plus gagné. Après l'avoir jugé à huis clos dans le secret d'une audience, où même l'ordre des débats était calculé pour éviter les témoins gênants, et après avoir enquêté en se bouchant les yeux et les oreilles sur toute autre idée que le parricide. Ah, le beau cas de parricide. Les psychiatres en salivent encore. Il a tué 6 fois son père. Il ne présente aucun signe de trouble mental. Il n'intègre pas les meurtres dans ses dessins. Une énigme passionnante. Pour la justice, le cas est simple, il a avoué. Et il était en conflit avec son père, avec un coupable et un mobile. La justice ne cherche plus. Le père, avez-vous dit, avait des activités peu ragoûtantes, je reprends votre expression, et même dangereuses. Ça mérite une explication. Volontiers. Evgeny Polevoy, c'est d'abord une caricature de nouveaux riches à la mode russe. Vous savez, tous ces gens qu'on rencontre sur la Côte d'Azur, par exemple. Des personnages hauts en couleur qui sont souvent accompagnés de très jolies femmes blondes. Ils parlent très fort, boivent beaucoup et dépensent sans compter. Qui, soyons clairs, appartiennent parfois à la mafia russe. Ou fricotent en tout cas avec des types qui en font partie. Alors Polevoy, plus précisément, né l'année de la mort de Staline, il commence très bien dans la vie puisqu'il a la chance d'intégrer le prestigieux Institut des Relations Internationales de Moscou. Oui, c'est un organisme d'État qui forme généralement les hauts fonctionnaires du parti. Du parti et du KGB. Mmh. Et ce n'est certainement pas un hasard si ensuite Polevoy fait son service militaire dans un camp secret d'entraînement qui recrute les combattants musulmans internationalistes. Puis on le retrouve dans un ministère. Mais il est aussi secrétaire de l'association France-URSS. Et il est francophone. En effet. À l'époque, vers la fin des années 80, il rencontre la belle Ludmilla. Sa future deuxième épouse. C'est ça. La jeune femme qui a un diplôme d'ingénieur n'est pas moins ambitieuse que lui. Et ce n'est pas peu dire. Tous deux pensent aussitôt à faire des affaires ensemble, puisque la perestroïka de Gorbatchev le permet désormais. Ouais, d'abord, la création de coopératives et de joint ventures, avec des capitaux étrangers. C'est ainsi que des cadres des jeunesses communistes, les Komsomol, vont se lancer dans l'aventure et construire d'immenses fortunes. Polevoy et Ludmilla, eux, s'associent avec 2 autres hommes. Slava Vyatrov, d'abord, un ancien para de l'armée rouge, qui a servi en Afghanistan et pour lequel Polevoy éprouve un grand respect. Mmh. Ah. Et l'autre ? Oh, c'est un personnage assez mystérieux, beaucoup plus âgé que le trio qui vient de se former, un grand ami de Ludmilla. Et peut-être même un peu plus. Ouais. Qu'insinuez-vous là ? Je ne sais pas, une simple intuition peut-être. D'accord. Et mystérieux ce personnage alors, pour quelle raison ? Parce que ce Vassili Skidan a été l'un des responsables du service économique du KGB, dans la section contre-espionnage exactement. Ça fait quand même la deuxième fois que vous évoquez le KGB là. Hein ? Ça ne devrait pas trop vous étonner. Rappelez-vous nos entretiens passés à ce sujet. Le KGB, depuis Andropov, était préparé à rester au premier rang, quel que soit le régime. Ouais, d'ailleurs, communiste ou pas. Et Vladimir Poutine en a administré une superbe preuve après la parenthèse Eltsine. Là, je m'éloigne un peu. On a donc maintenant un quatuor. Mais si le bouillon de Polevoy est le porte-voix du groupe, c'est Skidan qui tire les ficelles. C'est lui, en particulier, qui oriente les activités du groupe vers l'industrie et le commerce du bois. Un secteur très prometteur, si l'on en juge par l'immensité de la forêt russe. Et effectivement, grâce aux relations de Skidan, le quatuor se voit attribuer une concession sibérienne grande comme la France. D'accord, mais enfin, on ne s'invente pas forestier. C'est vrai. C'est pourquoi la coopérative s'associe avec un sovkhoz qui existe déjà. C'est-à-dire une autre coopérative. Qui met son savoir-faire et son matériel à disposition. En tout cas, très vite, c'est le succès. Et Polevoy, qui démarche les clients à l'étranger, fait merveille. C'est même si miraculeux que bientôt les 4 associés décident de changer de statut. La coopérative, c'était bon du temps de Gorbatchev et de l'ouverture de la Russie à l'économie de marché. Maintenant, sous Eltsine, il n'y a rien de mieux qu'une société capitaliste en bonne et due forme. Eh ben voyons. Et au moment du changement de statut en 1993, chacun touche plus $1 million. Ah, effectivement, le succès ne s'est pas fait attendre. Et c'est Evgeny Polevoy, dorénavant installé en France, qui s'occupe de toutes les questions administratives touchant la nouvelle société, Interprom. Mais on en reparlera parce que c'est un point crucial. Mais attendez là, avant. Interprom, ça me dit quelque chose. Ouais, vous pensez à un Terragra, le holding du milliardaire rouge, comme on l'a appelé. Oui, feu Jean-Baptiste Doumingue. Oui, oui. Interagra a joué un rôle considérable dans les relations commerciales entre l'Est et l'Ouest. Mais si Douming est décédé, son entreprise survit et Interprom noue des relations fructueuses avec elle. En même temps, la nouvelle société vole de succès en succès. Et pour échapper à l'impôt, Polévoy et ses amis créent une vraie cascade de filiales dont l'une au moins est domiciliée au Luxembourg. Je dois aussi ajouter que cette nébuleuse qui a beaucoup recruté chez les anciens officiers du KGB dissimule certainement une entreprise de blanchiment d'argent. Mais d'argent sale. Bien entendu. En Russie, on privatise à tout va et le crime organisé profite de cette nouvelle liberté d'action qui lui est offerte. Ça se traduit également par de féroces règlements de compte. Mais vous savez tout ça. Oui, on en a déjà parlé. Ça signifie que Polévoy et ses associés fréquentent les milieux mafieux. Bah, impossible de faire autrement. Ne serait-ce que parce que les hommes d'affaires doivent se protéger et qu'il y a parfois peu de différence entre protection et raquette. Ouais. En tout cas, Polévoy mène maintenant grand train et ne se prive pas d'exhiber sa nouvelle richesse. Il pense également à élargir ses activités dans le secteur pétrolier. Et dans ce but, il a créé une filiale au Turkménistan. Il brasse donc beaucoup, beaucoup d'argent. Ah, énormément, oui. Et ça attire l'attention, un peu trop. Car il n'y a pas que les trottoirs de Moscou qui sont dangereux pour les nouveaux riches russes. En novembre 1994, 3 mois avant le drame de Loufsienne, l'un d'eux, Sergueï Majarov, a été abattu dans son appartement parisien, malgré le luxe de précautions qu'il avait prises. Et Polévoy, lui, alors, prend-il aussi des mesures pour assurer sa sécurité? En tout cas, il ne sort jamais sans être puissamment armé. D'où toutes ces armes-là qu'on retrouvera dans la villa Loufsienne. Oui, oui, en outre, d'après tous les gens qu'il connaissait bien dans les semaines qui ont précédé la tuerie de Loufsienne, l'homme d'affaires semblait de plus en plus nerveux. Ouais, il avait peur. Il avait même confié à plusieurs proches qu'il craignait d'être assassiné. Une simple impression ou disposait-il d'indices qui l'avaient sérieusement alerté? Il avait certainement reçu des menaces. Et puis, il y a eu un certain nombre d'incidents très inquiétants. En septembre 1994, alors qu'il rentre chez lui à Loufsienne, une voiture essaie de l'intercepter. Il a même tellement peur ce soir-là qu'il préfère rebrousser chemin et aller passer la nuit dans un grand hôtel parisien. Autre chose? Oui, quelques semaines plus tôt, alors qu'il était à la chasse, il avait failli être touché par le tir de l'un de ses compagnons. Sur le moment, il avait pensé à une imprudence. Mais il y avait aussi ce curieux accident sur la route de l'aéroport à Moscou. Son auto avait quitté la route. Toutefois, il y avait des traces de balles sur la carrosserie. Un attentat, alors? Ou pour le moins, un sérieux avertissement. J'observe aussi que de son côté, Evgeny Polévoy ne répugnait pas à user de méthodes violentes. Toujours à Moscou, en ce même automne 1994, il a réglé à sa façon un différend immobilier avec la mairie de la capitale russe. À sa façon, ça veut dire quoi? Avec son ami Slava, ils ont envoyé un camion bâché bourré d'hommes armés occuper l'immeuble que voulait s'approprier la municipalité moscovite. Ouais, un procédé mafieux. Qui n'étonnait guère en ces années où l'argent rendait fou. Ouais. L'exemple venait très haut. Le Kremlin, oui, ou la famille, comme on l'appelait. C'est-à-dire le clan Yeltsin. Ou la famille, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage, procédait au hold-up du siècle, oui. Mais enfin, passons. D'autres nuages s'amoncelaient aussi au-dessus de la tête de Polévoy. Ses relations avec l'ennemi Anne étaient plus aussi confiantes qu'elles l'avaient été. Et son mentor, Vassili Skidan, n'était sans doute pas étranger à ce refroidissement entre les deux époux. Enfin, quoi qu'il en soit, et c'est là où je voulais en venir, il y avait là de quoi se poser des questions après le carnage de Loufsienne. C'est-à-dire ne pas se contenter de la seule culpabilité d'Alexis. D'autant que celui-ci va bientôt se rétracter et donner une version de la tuerie complètement différente. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant d'écouter la suite du récit de Monsieur X, un point sur la criminalisation de l'économie russe dans les années 1990. J'emprunte ces quelques lignes à William Raymond, auteur d'un ouvrage publié par Flammarion et intitulé « Mafia et ça, les secrets du crime organisé ». En 1996, la revue économique « Arguments et faits » constatait les effets désastreux de l'implication du crime organisé en ces termes. La plupart des entrepreneurs préféraient agir dans la légalité, mais puisque la condition générale est l'illégalité, ils n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers la protection et les arbitrages proposés par les truands. Dans ces conditions, ils construisent eux-mêmes la superstructure contrôlant l'économie parallèle, le crime organisé. De fait, la corruption est devenue une normalité touchant la totalité de la société russe. Ainsi, un siège à la Douma, offrant à son titulaire l'immunité parlementaire, s'achèterait 5 000 $. Boris Berezovsky, universitaire devenu oligarque et responsable de la sécurité nationale auprès de Yeltsin, déclarait un patrimoine de 39 000 $ en 1997, alors que la même année, le magazine Forbes situait sa richesse autour de 3 milliards $. Après plusieurs mois de détention provisoire et avoir surtout reçu la visite de sa mère venue de Moscou, Alexis décide en effet de se rétracter devant la juge d'instruction. Et avez-vous dit, il donne une nouvelle version de la tuerie. Oui, il affirme que les assassinats ont été commis par un homme cagoulé et ganté, vêtu de noir et parlant russe. Un tueur professionnel. C'est ça. Mais il faut expliquer pourquoi on a retrouvé ces empreintes sur les armes. Le jeune homme a la réponse. Le tueur l'aurait obligé à recharger les armes et même à tirer sur le cadavre de son père. Et pourquoi alors? À part la petite Natacha, Alexis a-t-il été le seul à sauver sa vie? Là aussi, le garçon a une réponse. L'assassin l'aurait obligé à se dénoncer. Donc il a assumé la responsabilité de ce sextuple assassinat. J'ai du mal à y croire. L'homme en noir l'aurait menacé. Tu as vu de quoi je suis capable. Si tu n'obéis pas, je tuerai ta mère, ta sœur et ta petite amie. Puis le tueur, après avoir fouillé la maison et s'être emparé d'un dossier, serait sorti de la villa et monté dans une voiture sombre où un complice, également cagoulé, l'attendait au volant. Et tous deux se seraient enfuis. Telle est la version d'Alexis. Ça me paraît quand même drôlement rocambolesque. Je suis d'accord avec vous. Cependant, et c'est notable, cette version a l'avantage de coïncider avec l'expertise balistique et donc d'éliminer certaines contradictions factuelles qui étaient apparues dans la première version du jeune homme. Je n'entre pas dans les détails car c'est un peu compliqué à expliquer oralement, mais le point le plus important demeure celui de l'extrême dextérité du ou des tueurs. Et le fait qu'aucune des victimes n'ait vraiment esquissé de gestes de défense. D'où l'idée de plus en plus évidente que c'est un ou des professionnels qui ont agi, et avec une extrême rapidité. Pourtant, malgré la demande du deuxième avocat d'Alexis, aucune contre-expertise balistique ne sera accordée par le magistrat chargé de l'instruction. Parce que le jeune homme a changé non seulement de version, mais d'avocat. Oui, parce que son premier défenseur jugeait qu'il était trop tard pour évoquer la piste du tueur professionnel. Et d'autre part, il ne voyait pas l'intérêt de demander une autre expertise balistique. Il était donc parfaitement d'accord avec le magistrat instructeur. Une juge d'instruction qui entend fermement en rester à la thèse du parricide. Les 5 autres personnes abattues n'étant dans son esprit que des victimes collatérales, pour reprendre l'expression consacrée par les militaires. En effet, c'est d'abord le père que le garçon voulait tuer. Il n'est donc pas question d'examiner attentivement la piste russe. Et pourtant, après tout ce que vous avez dit... Même les 2 effractions perpétrées dans la villa de Loufsienne, après la tuerie, ne sembleront pas étonner les enquêteurs. Et le fait qu'on ait brisé à 2 reprises les scellés sera simplement attribué à la curiosité excessive de quelques journalistes en mal de scoop ou de photographie. Et pour vous? Il est fort probable que des individus liés au sextuple assassinat ont essayé de récupérer des documents qu'ils n'avaient pas eu le temps d'emporter. C'est une pure supposition. Je le reconnais. Cependant, les enquêteurs et la juge d'instruction auraient dû être alertés par les informations qui leur sont parvenues de Moscou, à commencer par la nouvelle de l'assassinat du frère d'Evgeny Polevoy, Dimitri. Racontez ça. Dimitri ne ressemblait pas du tout à son frère. Médecin, installé en Biélorussie, il était tout à fait étranger au monde des affaires. Cependant, après la mort violente d'Evgeny et la mise en examen de son neveu, il s'est mis en devoir de découvrir la vérité. Ça veut dire que lui aussi nourrissait des doutes. C'est certain. Ouais. Et pour mener cette enquête, il a eu l'idée de prendre la succession de son frère. À la tête de cette société, la Interprom. Oui, parce qu'il avait l'intuition que la vérité se cachait peut-être dans les archives de cette entreprise. Il a donc commencé par fouiller. Et il a fait une première découverte d'importance. Quoi, non? Des millions de dollars avaient, semble-t-il, disparu aussitôt après la mort de son frère. Autre point curieux. Deux filiales domiciliées, l'une au Luxembourg, l'autre au Turkménistan, ont été fermées 3 jours avant la tuerie de Loufsienne. Et leur gérant, arguant du fait que les comptes étaient bloqués, a refusé de lui fournir la moindre information. Alors que Dimitri était l'héritier de son frère. Étrange, non? Mais le médecin ne s'est pas découragé pour autant. Au printemps 1996, il a acquis la conviction que les activités d'Evgeny avaient quelque chose à voir avec le blanchiment d'argent sale et peut-être même avec le trafic de drogue. Puis il a appris que l'argent qui s'était évanoui des comptes d'Evgeny avait été récupéré par son associé, Skidan. L'ancien homme du KGB, là. Et en allant encore plus loin, il obtient d'un conseiller juridique luxembourgeois le nom du commanditaire de l'assassinat de son frère. Il a même enregistré cette confidence à l'insu de son auteur. Enregistré sur bande magnétique. Oui, mais en tout cas, c'est ce qu'il déclare à sa mère. Et très logiquement, il veut faire profiter les justices françaises et russes du résultat de ses recherches. Mais il n'en aura pas le temps. Bah non, il sera assassiné avant, et en décembre 1996, exactement. Un an et demi après son frère, donc. Auparavant, il faut quand même reconnaître que la juge d'instruction, sans doute aiguillonnée par Dimitri, a délivré une commission rogatoire internationale à des policiers français, à charge pour eux d'enquêter en Russie. Mais justement, en Russie, comment considère-t-on cette affaire? Les magistrats et la police n'ont aucun doute. Alexis est innocent et c'est la mafia qui a perpétré les assassinats. Ils détiennent des preuves? Pas particulièrement, non. Mais pour eux, il est presque banal de constater que les affaires se traitent à coups de revolver et de kalachnikov. À Moscou, dans ces années-là, on ne compte plus les différents commerciaux, pour parler poliment, qui se sont terminés ainsi. Dans le sang, ouais. Et pour ne pas sortir de l'affaire Polevoy, il faut observer que 4 autres personnages associés à un titre ou à un autre à ces affaires ont péri de mort violente à la même époque. Ouais. Et comme vous ne croyez pas aux coïncidences... Comme je ne crois guère que le directeur général d'Interprom, Gennady Shaitanov, un ancien ministre de l'ère soviétique, ait été terrassé par une crise cardiaque alors qu'il buvait tranquillement son thé dans son bureau de Moscou. Ouais, mais vous êtes quand même exceptionnellement soupçonneux. Bon, je ne le nie pas, ça m'a souvent rendu service, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Ouais. Bien sûr. Et ces policiers français, là, envoyés en Russie? D'après les magistrats russes qui les ont pilotés, ils n'ont pas vraiment semblé pressés d'enquêter sur l'implication de la mafia dans l'affaire. En fait, ils ont plutôt donné l'impression d'essayer de recueillir en priorité des éléments à charge contre Alexis. Mais quels éléments, alors? Des détails sur sa personnalité, son comportement. Mais ils n'ont pas ramené grand-chose, sinon qu'il semblait impossible à tous ceux qui avaient connu Alexis et l'avaient même reçu pendant les vacances que le jeune homme puisse être le sextuple assassin de Loufsienne. Ces policiers français n'ont donc rien appris d'essentiel. Et pourtant, leurs collègues russes eux-mêmes étaient allés beaucoup plus loin. Ils ont, en particulier, perquisitionné les bureaux d'Interprom et se sont beaucoup intéressés au seul survivant de cette affaire, Vassili Skidan. Mais le gibier était sans doute trop gros et ils ont dû abandonner une piste qui était pourtant très chaude. Expliquez. Skidan, ancien du KGB, jouissait de très haute protection. Ça allait jusqu'au Kremlin. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu qu'une partie de l'argent d'Interprom ait été utilisée pour financer la campagne présidentielle de Boris Eltsine. Skidan, qui pourrait donc être ce fameux commanditaire? Pourquoi pas? Parce qu'il avait une très bonne raison d'en vouloir à Evgeny Polevoy. Il avait en effet découvert que son très cher associé l'avait roulé. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, que c'était Polevoy qui s'occupait des questions administratives. Il s'était par exemple chargé d'enregistrer les statuts de la société Interprom. Résultat, le seul propriétaire qui apparaissait sur les actes, c'était Polevoy. Ah oui, et pas les autres. Et Skidan aurait donc pu vouloir se venger. Et récupérer sa mise par tous les moyens, vous comprenez? Et comme Evgeny faisait la sourde oreille malgré les avertissements et les menaces, l'ancien officier du KGB aurait pu être tenté d'utiliser la manière forte et envoyer à Polevoy une équipe de tueurs. Mais pour en finir avec cette affaire, je voudrais vous dire le fond de ma pensée. Je ne suis pas tout à fait convaincu par les déclarations d'innocence tardive d'Alexis. Alors vous le croyez coupable? Je n'ai pas dit ça. Mais je suis à peu près persuadé que le jeune homme n'a pas dit toute la vérité. Oh, ça ne signifie pas qu'il a participé à la tuerie, non. Il a été empêché de tout dire parce qu'il avait peur. À moins que le ressentiment certain qu'il éprouvait pour son père... C'est son père qui venait de lui infliger une correction et lui avait interdit de continuer à fréquenter sa petite amie. Hein. Donc ouais. À moins que ce ressentiment, cette haine peut-être, ne l'ait entraîné à commettre une imprudence. Voilà, soyez plus clair. Il aurait pu par exemple guider les pas du ou des tueurs. ou leur ouvrir la porte, avant de prendre aussitôt conscience de l'énormité de son acte. Mais encore une fois, ce n'est qu'une supposition. Bon, une supposition qui aurait quand même le mérite de justifier ces longs mois où Alexis, en détention provisoire, n'a pas cru bon de hurler son innocence. Avant de vous quitter, je reviens vers Catherine Herrel, auteure de l'ouvrage « L'affaire Alexis, 6 meurtres, enquête d'auteur » publié par Lattès. Une enquête sérieuse, souvent troublante, qui se conclut ainsi, je cite. « Tout s'est raté dans les rois judiciaires, laisse un goût d'inachevé. Rien qui prouve encore qu'Alexis est innocent, mais tout montre que l'enquête a conclu trop vite et avec trop d'obstination à sa culpabilité. Pourquoi ? La maladresse d'une mère, le tempérament slave d'un oncle, les susceptibilités des uns et des autres suffisent-ils à expliquer qu'il n'ait pas été entendu ? Pourquoi avoir rejeté l'hypothèse d'un règlement de compte commercial ? Quelques livres pour terminer. « Mafia, gang et cartel, la criminalité internationale en France » de Jérôme Pierrat chez De Noël. KGB Connexion, le système Poutine, d'Hélène Blanc aux éditions Hors Commerce. Et encore deux livres très actuels, La guerre du gaz, de Rumiana Urgachinska aux éditions du Rocher. Et Gazprom, l'arme de la Russie, de Valérie Pagnouchkine et Michael Zigard, chez Actes Sud. À samedi prochain, merci à Valérie Ayestaraï, Ilinka Negulesco, Rebecca de Nantes et bien sûr, Monsieur Djoub.